il n'y a pas de job, ou j'ai pas les compétences, ou j'ai pas pu aller à l'école, là, un matin, tout ce que ça vous prend, c'est uniquement l'effort de vous lever, d'aller porter un CV chez Calinette. Est-ce que tu veux qu'on te faxe ça, ou que les gens envoient ça par courriel, ou... En fait, c'est des gens travaillant, mais aussi, nous, là, que ce soit des hommes, des femmes, 50, 60, 70... Pas grave, on a besoin de ces gens-là, puis c'est dans tous les secteurs, hein, on a besoin aussi de deux représentants à Québec, on a besoin d'un superviseur, on a besoin aussi dans nos nettoyeurs à sec, on a besoin des couturières. Les couturières, je pense que c'est le poste le plus rare, c'est des gens qui sont couturières, qui cherchent un emploi, là. On a besoin de vous, des couturières. Ça, c'est le poste le plus dur. Excellent, Eric, je fais la job, on t'envoie du monde promis. Fait que pour nous envoyer leur CV, oui. Nous envoyer ça à québec@commercialcalinette.ca. Québec@commercialcalinette.ca ou se présenter à nos bureaux au siège social à Beauport au 434 des Montérégiennes. C'est dans le parc industriel à Beauport, mais s'il vous plaît, ne pas appeler. Excellent. Merci, Éric. On s'occupe de ça. Salut, bonne journée. Éric Pichette de Calinette. Garde, c'est un hiver difficile, mais pour lui, c'est évidemment, il y a de la job. Ils sont dans le domaine des sinistres. Alors, juste à Québec, une centaine. Je sais que la semaine dernière, dans l'ensemble de la province, ils évaluaient quasiment les besoins à 1000. J'en ai déjà envoyé du monde à Éric. Je sais pas si t'en souviens. Le gars est sur le BS, puis il perd tout, il y a un incendie. Fait que là, il veut de l'argent. Puis je comprenais. Moi, j'avais appelé le grand homme. J'avais dit, moi, je t'offre plus que ça, moi, t'offrir un job. Ça te tente-tu? Parce que là, il veut de l'argent, il était pas assuré, il est sur le BS. Il dit, ah ouais, je l'ai shaké un peu, là. J'ai dit, je vais t'offrir ce que personne d'autre t'a offert. Calinette. Je l'ai envoyé là. Il est-tu allé? Oui. Allé. Il a travaillé, je sais pas s'il est encore là. Il a travaillé longtemps, là. Puis bien. J'avais eu des nouvelles à un moment donné, du Butch, merci. Ça a sauvé mon couple, la famille, tout. Merci. La fierté aussi. Hein? La fierté, ouais. La dignité. Alors bon, on parle à qui? Mathieu, go. Alors, les associations porte-parole de BS, que je vais faire avec eux, il n'y a pas de débat à matin, c'est bonjour, monsieur, madame, une telle, Sylvain Bouchard, FM 93, c'est ça qu'ils vont dire, bon, ben là, ouais, toi, on sait bien. Non, là, j'ai 100 jobs. Alors, je veux t'aider, je te donne le scoop. Donne-moi des noms, donne-moi des CV, donne-moi du monde, m'occupe d'eux autres, on s'en va les faire travailler. D'abord, je suis sûr qu'ils sont là-dedans. Je suis sûr que les sont à matin à 8h28, depuis qu'ils savent que Calinette a 100 jobs à donner juste à Québec, ils sont au téléphone, ils appellent tous leurs membres, un par un. C'est ça, ils sont payés. D'abord, ils sont payés par moi, ces gens-là. Ils sont tous subventionnés. Les organismes de défense de Birgle sont au téléphone, dit « Bonjour monsieur, madame une telle, hey, ouais, on a fait une manif, vous souvenez-vous, tu sais, t'avais la pancarte avec moi à côté, là, un plus gros chèque. Bon, j'ai bien vu que t'avais de l'énergie, tu t'es levé ce matin-là, tu t'es habillé, t'as fait une pancarte, t'as crié pendant toute la journée. Bon, fait que là, je te propose d'aller chez Calinette pour travailler. » C'est sûr qu'ils font ça le matin, ils font tous ça. On y va au téléphone. Premier, Daniel, on parle à qui? L'association porte-parole Front de défense des assistés sociaux, c'est quoi, comment ça s'appelle? Comment t'as personne? Qui est là? Mais non, mais donne-moi un numéro, on va appeler. Qui est là, Mathieu? Qu'est-ce que je t'ai demandé hier? D'en appeler. Bon, ça va. Il y en a donc bien, des groupes de même, premièrement. Mais il y en a combien? T'as pas fait ta job. Je voulais en avoir 4-5 à matin. Je voulais leur relayer l'information poliment, gentiment. Puis là, on aurait entendu en ondes, bravo Sylvain Bouchard, pour la première fois, je suis l'idole des BS. C'est ça que je veux être, moi. Faut pas déranger. Tu veux l'idole des BS? T'as pas fait ta job, t'as traversé sur le BS, toi, le premier, là. Va-t'en chez Calinette. Ils sont où? Ouais, mais pour se faire dire ça, Sylvain, il faut accepter d'avoir les appels, puis de se faire parler, puis de se faire déranger. Comment se faire déranger, là? Non, mais un matin, je leur offre des jobs, maudite merde, là. Il devrait être. Ouais, mais j'ai fait ça dimanche soir. Tu m'as demandé de faire ça dimanche soir. Ouais, pis. Tu parles d'une mauvaise idée, là. Comment une mauvaise idée? Ben, le show, lundi matin, on boucle ça le dimanche soir. Ouais, mais y en a qui aiment pas ça se faire déranger. J'ai parlé à beaucoup de monde, là. Puis la première personne que j'appelle, le premier groupe, parce que je faisais des blagues, mais il y en a vraiment beaucoup de groupes. Il y en a plein. Quinzaine, c'était facile. Là. Bon, j'ai l'embarras du choix, ça sera pas long. Première personne, premier groupe que j'appelle, Projet Genèse. Un groupe communautaire qui s'occupe des logements sociaux, qui s'occupe des droits des personnes pour le droit au dernier recours, l'aide du dernier recours. Bon, eux autres, appelle-les. Je veux leur parler, eux autres. C'est correct, ça. Il te reste dans une heure, tu vas pouvoir leur parler. Ça l'ouvre à 9h30. J'ai appelé la madame. Elle me dit, ben là, je travaille pas ce soir. Je dis, non, mais c'est pas grave, là, mais c'est pour je la radio. Ce qu'on veut en plein ça. Tu sais, beaucoup de jobs. On vous donne des jobs, là, c'est ça? Elle dit, faut que tu m'appelles sur les heures de bureau. Et là, on est dimanche soir. Il devait être à peu près 18h, 18h30. Mais il t'a pas non plus 22h, là. Il était 6h dimanche soir. C'est pas la fin du monde, là. j'aime pas ça. Je vois, mais là, je l'explique. Elle dit, mais il faut que tu, absolument que tu m'appelles demain. Je vois, mais l'émission va être terminée. Vous commencez. C'est peut-être 9h, là. C'est 9h ou 9h30. Non, mais tu sais qu'on terminée. Avait des jobs à leur offrir. Oui. Ces gens-là travaillent absolument. Pour moi. Elle dit, parfait, rappelle-moi sur les heures de bureau, puis on en regardera ça ensemble. Bon, next, un autre. OK, elle ne marche pas. L'autre. Front commun des personnes à cité sociale. Ouais, ça marche, ça. C'est bon, ça. Gauche, je vais leur parler. Eux ont interpellé la ministre Maltais l'an passé. Là, oh, oui, un gros chèque, un chèque. Oui. Bon, elle ne rentre pas au travail aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre porte-parole. Elle a mal à la gorge. Ouais. Je ne veux pas juger là, de son mal de gorge, là. Ben, je peux pas te parler. Pourtant, on a parlé une dizaine de minutes hier au téléphone, là. Mais bon, je dis ça de même en passant. Mais ça aurait pris 2 minutes. Le temps, elle avait même pas besoin de parler. Elle a juste besoin de me dire merci, monsieur Bouchard. Et sans job. Sans job à matin. Il y a à peu près 15 groupes qui défendent les BS. J'y aurais donné le scoop à elle, là. Vu que l'autre, elle commence à 9h. Elle dit, appelle au bureau demain, puis donne-leur l'info, mais j'ai pas d'autre porte-parole, j'ai pas personne d'autre qui peut te parler. Mais moi, vous me connaissez, je vais être l'idole des BS désormais, là. Sérieux, j'espère qu'il y en a qui vont appeler un ou une, là. Parce qu'il y en a qui nous écoutent puis qui veulent travailler, qui vont aller chez Calinette, là. On va au moins être l'idole de ces gens-là. Mais là, ça pourrait-tu qu'au-delà des assistés sociaux comme tels, où il y a plein de bon monde, écoutez-moi comme il faut. Et qui en ont vraiment besoin. Oui, puis qui veulent travailler, il y en a. Ça se pourrait-tu que les organismes subventionnés de défense des BS, un moment donné, ils se disent que moins il y a de BS, puis plus il y a de monde qui travaille, moins on aura besoin d'organismes, et moins ils vont pouvoir justifier leur salaire, donc sont mieux de maintenir ces gens-là dans l'état de dépendance et de pauvreté. Là, c'est fabuleux, moi, là. Fabuleux. Je sais pas si vous comprenez, là. Plus il y a de BS, dans le fond, plus eux autres vont avoir des subventions, puis des salaires, puis des... Fait qu'ils assurent leur job, tu penses, comme ça? Je pourrais-tu, ça, mais ça pas continue. L'Organisation populaire des droits sociaux. Même principe, je leur parle hier soir. Je leur explique ce qu'on veut faire, ce qu'on a à offrir. Ah non. Tu dois t'adresser au groupe représentant les chômeurs. Je dis, ben là, pourquoi? Parce que c'est des gens qui n'ont pas d'emploi, qui se cherchent un emploi, donc c'est plus à eux que tu dois t'adresser qu'à nous. Je comprends, là. T'as un bon point, là, de t'adresser à eux. On peut s'adresser à vous aussi. Je te donne un cadeau. Tu donnes une job. Comment que l'autre, il le mérite plus? Ferme ta gueule, puis prends le cadeau. Ah oui, les chômeurs. Ben oui, j'aurais pu aussi m'adresser aux chômeurs, mais là, je m'adresse aux BS, les plus bas, là. Pas de job pantoute depuis un bon bout de temps. Je leur offre une belle job chez Calinette. Ils nous ont référé aux chômeurs. OK, fait que t'étais 0 en 3. Je suis 0 en 3. Puis, je suis plus que ça. Je suis 0 à peu près en 14. Les autres, il n'y avait pas de retour d'appel, pas de réponse. Dimanche soir, quand même. Mais là, on est lundi matin, il est 8h33. Là, va vérifier tes messages. Tu dois en avoir au moins 10 ans. Celui-là est vide. En tout cas, l'été, il a 3 minutes. Ça se pourrait-tu que, dans le fond, on a au Québec des gens pauvres et démunis qui aimeraient bien travailler, mais ils sont maintenus dans leur état de dépendance par des structures gauchistes communautaires qui ont intérêt à voir ces gens-là pauvres pour justifier leur propre job? Moi, je refuse de lancer la pierre à toutes les BS. Je suis sûr qu'il y en a là-dedans, là, qui sont un peu, là, ankylosés dans leur état de dépendance, mais un petit coup de pied au cul, là, un bon, là, un sympathique, tu sais, disons même pas coup de pied au cul, là, une tape dans le dos, pour être le plus gentil. Belle petite tape dans le dos, ces gens-là se trouvent une job, vous êtes dans mon club. Mais vous avez autour de vous des porte-paroles qui ont une seule chanson, un plus gros chèque, on veut de l'argent, ils veulent pas de job, est-ce qu'ils veulent un chèque? Parce qu'ils savent que la journée qu'ils ont une job, ils viennent de perdre un client. Dans leur groupe communautaire front de scie. Il est là le problème au Québec. C'est cette gang-là qu'il faut viser. À matin, là, sincèrement, sans aucune ironie, malgré nos différends du passé, il aurait dû au moins me dire, « M. Bouchard, on va vous faire mentir à matin. Je m'appelle un tel du front d'assistance de regroupe. Donnez-moi l'adresse de Calinette, m'a t'envoyé du monde là. » Pas tout le monde, j'en ai qui sont handicapés, j'en ai qui sont corrects, ça. J'en ai qui peuvent pas, là, ils ont pas les deux bras, les deux jambes, mais j'en ai une couple d'actifs. Ceux qui sont capables de tenir une pancarte pour avoir un plus gros chèque à deux mains sont capables de tenir une mop chez Calinette, OK? Change ta pancarte pour une mop, va-t'en chez Calinette. Mais non, 0 en 15. 0. Après ça, qu'ils viennent, qu'ils emportent des plaintes. Préjugés, Bouchard, préjugés, pas fin. Ouais, vous leur offrez une job. Vous êtes où? Vous êtes pas là. Vous êtes là pour aller blâmer les gouvernements, blâmer les animateurs radio, tout nous faire passer pour du pas bon monde. C'est Félix Leclerc qui a commencé avec l'histoire de l'un pauvre, là, au lieu d'y donner un poisson, on disait à pêcher. Je pense pas que c'était le gars le plus à droite au Québec, ça, Félix Leclerc. Hein? C'est lui qui a dit dans une de ses chansons, la meilleure façon de tuer un homme, c'est de le payer à rien faire. Ça, c'est Félix Leclerc. Alors, 8h35, sans job chez Calinette. Let's go, l'école rouge, profitez-en. Ceux qui veulent arrondir le mois, ceux qui travaillent déjà, ils veulent en faire plus, ou les chômeurs, go, go, go. C'est Québec à commercial, calinette.ca. Faut pas appeler. Appelez pas, ouais, parce qu'il va être inondé. Québec à commercial, il va être inondé d'appels. 8h35. Le FM 93 vous présente Bouchard.